Bande mes bandits bandes, bande tous mes bandits bois. J'attends sur le beat de ma bande de mes bandits bois. Danger comme elle a danger, oui les sont mes bois. Tu vas trop. Tromper, non ne jamais tromper ma bande de bandits bois. Bande tous mes bandits bandes, bande tous mes bandits bois. J'attends sur le beat de ma bande de mes bandits bois. Danger comme elle a danger, oui les sont mes bois. Tu vas trop. Tromper, non ne jamais tromper ma bande de bandits bois. Piège, blessé, blessé, blessé. Pourquoi ma clique est blessée, blessée. Essayez de nous tester. Même pas la peine, mais vas-y, essaie, blessé, blessé, blessé, blessé. Vous comme un kick qui est blessé. Car comme un gun du, comme un gun blessé. Oui, comme un gun laisse à tourner. Le buzz qui a brutaliseur sur le beat qui lui fout le ouais, c'est cool. Comme un gun, comme un rat, comme back qui s'écoute, c'est cool. Elle sait, ouais. Demande aux G's, ouais, demande aux thugs qui savent. Que mon équipe de but était staff. Te laissant agoniser près d'une cave. Passe au Syrica. Pour tous mes négros et tous mes bigots dans les halls. Tous mes négros et tous mes bigots dans les halls. Qui se moquent la drogue dans leur go. Game over. C'est Grini Lyrical, grosse bande qui pense être murder. Qui pense qu'à faire leur gaz, demande à Owner. Là où les types sont bandits. Grini. Là où les bondes à bomber se font éclater. Grini. Là où à chaque contrôle le gun est brandi. Grini. Là où il faut découiller une patate d'enfoiré. La grande bande, comme un gueule. J'explique comme une balle. Psh, lâche comme un couteau. Okay. Comme un gueule. Dans mes rap boys, c'était comme un gueule. J'explique comme une balle. Psh, lâche comme un couteau. Okay. Comme un gueule. Comme un gueule. Comme un gueule. J'explique comme une balle. Psh, lâche comme un couteau. Okay. Comme un gueule. Dans mes rap boys, c'était comme un gueule. J'explique comme une balle. Psh, lâche comme un couteau. Okay. Comme un gueule. Comme un gueule, c'est Grini. Tu ne peux tester mon LSC qui gang. D'esprit comme une balle ou comme un daman arracheur de l'homme. C'est Grini. Grini Land, tu ne peux tester mon LSC qui gang. LC, tu ne peux tester, non, tu ne peux tester. C'est Grini. Grini Land, tu ne peux tester mon LSC qui gang. D'esprit comme une balle ou comme un daman arracheur de l'homme. C'est Grini. Grini Land, tu ne peux tester mon LSC qui gang. LC, tu ne peux tester, non, tu ne peux tester. Ok. Mais dis-moi qui crois que tu testes. Toi. Qu'est-ce que tu contrats tous tes petits pecs. Toi. Et dis-moi combien t'en veux, moi je te sers. comme un gun, demande pas trop, j'ai pas de nom. Appelle-moi Kaiser Soze et aux côtés de Ferrara. Appelle-moi Koubel, cagoulé à l'Agora. Et si on demande, tu dis tu connais pas. Comme un gun, j'ai pas dit mon dernier mot. C'est pour la rue qu'on le fait, car c'est elle qui l'a demandé. Sélectionné par la street et élevé dans les taudis. M.O.D. ça m'étonne comment on l'a grandi. C'est pour mes gros, pour mes bandits. Et c'est même pas suivre le move, tu vas tromper. Connard. Comme un gueule, j'explique comme une balle. Psh, lâche comme un couteau. Okay. Comme un gueule, dans mes rap boys, comme un gueule. J'explique comme une balle. Psh, lâche comme un couteau. Okay. Comme un gueule. Comme un gueule, j'explique comme une balle. Slash comme un couteau, yeah. Comme un gueule, dans mes rap boys, comme un gueule, j'explique comme une balle. Slash comme un couteau, yeah. Comme un gueule, Grini Land, tu ne peux tester mon LSC qui gang. J'explique comme une balle ou comme un daman arracheur de langue. C'est Grini Land, tu ne peux tester mon LSC qui gang. LC, tu ne peux tester, non, tu ne peux tester. Comme un daman arracheur de l'or. Grini Land, tu ne peux tester mon LSC qui gang. LC, tu ne peux tester, non, tu ne peux tester. Ok. Bande tous mes bandits bois, bande tous mes bandits bois. Vive à changer. J'attends sur le beat de ma bande mes bandits bois. Danser comme un rat danger, où ils sont mes bois. Tu vas tromper. Tromper, non, ne jamais tromper ma bande de bandits bois. Tous mes bandits, essaie même pas tu veux. Vive à changer. 91, 350. C'est danger, essaie même pas de faire la suite, tu vas tromper.